m'enferme parfois. J'essaye de prendre sur moi. La musique, c'est mon occupation. Elle me met en condition. Je m'évade et je reste isolée. Perdu dans mes pensées. Chaque seconde, je bois les mélodies avec une telle énergie. Chaque minute, j'entends ces paroles et je deviens folle. La musique, c'est ma liberté, mon esprit occupé. Je suis comme un coupé du monde, rêvant de passer sur les ondes. La musique est source de changement. Je pense différemment. Elle a de l'emprise sur moi. Elle fait de moi ce que je suis. Chaque seconde, je bois les mélodies avec une telle énergie. Chaque minute, j'entends ses paroles et je deviens folle.